Le 30 juin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu aux questions posées par l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos de la publication d'un rapport de trafic humain 2017 par les États-Unis qui ont mis en cause notre République. En voici le résumé. Les États-Unis, qui font l'objet de la condamnation unanime de la communauté internationale comme le pire toundra des droits de l'homme et le premier auteur du trafic humain dans le monde, ont inventé de nouveau l'état du trafic humain des autres pays en se faisant juge des droits de l'homme. Surtout, le secrétaire d'État américain Tillerson lance souvent des propos démagogiques contre notre pays, comme travail forcé à propos des travailleurs coréens en mission à l'étranger selon les contrats légaux avec les autres pays. Cela montre clairement à quel point sont des actes absurdes de l'administration Trump visant à nous isoler et supprimer. Si ce chef de la diplomatie américaine pense qu'il peut nous troubler avec du tapage autour des droits de l'homme et des sanctions, il n'est qu'un ignorant dépourvu de sens de réalité. Bien que ceux de la bande de Trump comme Tillerson parlent à voix rauque des droits de l'homme et recourent aux sanctions, nous ne le considérons que comme une démarche désespérée des morons, un hurlement de ceux apeurés devant la puissance de notre République en développement continu. La bande de Trump doit tirer une leçon sérieuse du passé de la bande d'Obama qui a été l'objet de vertes réprimandes pour avoir osé porter atteinte à notre dignité suprême avec du tapage autour des droits de l'homme. Au lieu de se démener bêtement pour conseiller au monde avec des soi-disant rapports du trafic humain fabriqués chaque année avec tant de peine, il serait mieux pour les États-Unis de nettoyer leur territoire empire du mal où règne tout crime comme meurtre, pillage et trafic humain. L'armée et le peuple coréen suivent de près la frénésie morbide de la bande de Trump et se raffermissent dans leur détermination d'anéantir sans merci toute la bande du mal, y compris Tillerson. Les États-Unis feront mieux d'agir avec discernement pour eux-mêmes.